tight sun guy, pure sun guy. Watch out, road boy. Hey, kai kai, and the guy them shown again, yo. Tell them. Ha. King Kong, Manila Rimov, quand l'allergie des dragamophiles, au mic énergique, faites à la gueule de la dynamite 9-4, à quelle sont des amis. Trio juvénile, on bat des DJ sur vinyle, en pleine lucarne, tout tout dessus comme à la juve, on met dans le mille, ça part en train de vic. Du haut choc de Kelly Pick, on crame le bit, on trame, on crame l'illicite, provoque la sac, on ne pique. Et on prépare ses funérailles. Le bambou glace amène les soncailles, les mitrailles. Tous les sols le ready pour une cause, pas pour la maille. On a des lyrics pour les langues de pute qui taillent. Tous ces divas, ces divas, on fait pas de détails. Pas de détails, pas de détails. C'est la dépendance, quand deux divas madame et dynam, des vies du lyric, sans dynamique, toujours c'est les sous, c'est nos fans. C'est si je l'ai dit aux fans, j'suis pas un Starman. La passion ne déchire pour pas qu'elle brise la fiction qui nous lie. Non, j'ai pas d'adversaire, qu'une génération qu'on tue depuis des millénaires. Le danger. Depuis des millénaires.